Le 21 septembre, deux bombardiers stratégiques nucléaires américains B-1B sont sortis en urgence au-dessus de la Corée du Sud. Ils ont participé aux exercices de frappe des cibles de terre dans le terrain de tir de Sandong, alors qu'un bombardier a atterri à la base de l'aviation d'Osan. Les Américains parlent ouvertement que cet avion disposé à la base d'Osan participera aussi à la cérémonie pour la journée des forces de l'air sud-coréen américaine 2016, prévue le 24 et 25 septembre.